c'est celle-là. Voilà, celle-là, c'est la même. Quasiment la même chanson. C'est une parodie en fait. C'est une parodie de l'autre. L'autre qui est vraiment pas terrible. Enfin, elle est bien, mais elle est facile à faire, franchement. Voilà. Ça commençait comme Maxime Le Forestier, le chanteur de rock. Et au fait, t'es pas accordé, hein. T'es pas bien accordé. C'est quoi qui queen? Tu joues avec les pieds? Mais attends, c'est pas In Your Face? Hi. C'est pas lui. Ouais, super. Je me roule une clope. Là, ça s'entend, hein. Faut pas le dire, hein. bien accordé. Ah, il y a quelqu'un dans le room. Tu vas peut-être lui envoyer le son, je sais pas. Moi, je peux pas. Je crois pas. Il me semble que ça va bugger. Pas très bien accordé, hein. Attends, ce que je vais faire, je vais le foutre sur ignore l'autre, non? Parce que là. Ça, ils seront obligés de suivre. Attends, je vais le mettre en mute. Ah, voilà. J'entends plus que toi. C'est Thank you. Thank you.